السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، hier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nous avons entamé l'étude d'un sujet de la plus haute importance, أسباب زيادة الإيمان, les causes de l'augmentation de la foi. Nous avions mentionné que l'habitude des pieux prédécesseurs, à savoir les compagnons, leurs successeurs et ceux qui les ont suivis avec excellence, était de se recommander mutuellement la mise en pratique des causes qui amènent l'augmentation de la foi, son renforcement et sa pérennité. On avait mentionné la parole de Omar ibn Khattab et d'autres parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient « Ta'alou bina ou halummu, venez ou asseyons-nous, ijlisou bina nu'minu sa'a, afin que nous ayons la foi un certain temps ». C'est-à-dire, mentionnons Allah, rappelons-nous les bienfaits d'Allah, évoquons Allah afin que cela augmente notre foi. Afin que cela augmente notre foi. Et nous avions mentionné la parole du grand savant Abdurrahman ibn Nasser ibn Sa'adi, le shir d'Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui disait que le croyant ne cesse de... Afwan, le croyant ne cesse de... fournir énormément d'efforts afin de concrétiser deux choses. La première, c'est la foi et ses branches, avec la science utile, la mise en pratique des œuvres pieuses. Et la deuxième, c'est le fait de repousser tout ce qui vient diminuer cette foi, qui vient l'entacher ou même l'annuler, qu'Allah nous en préserve. Le premier point qui est la cause de l'augmentation de la foi, l'apprentissage de la science utile et bénéfique, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion d'Allah, la connaissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance du halal et du haram. Et on a vu qu'entrait dans cette science beaucoup de choses. En premier lieu, Al-Qur'an ul-Azim, Al-Qur'an ul-Majid, le noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de lire le Qur'an, le fait de méditer le Qur'an, de chercher à comprendre le Qur'an et surtout de l'appliquer. Ceci développe, augmente, renforce la foi du serviteur. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons passer à la deuxième science. Nous allons passer à la deuxième science qui augmente la foi du serviteur, à savoir ma'rifatu asma'illah al-husna wa sifatihi al-ula, la connaissance des noms sublimes d'Allah et de ses attributs parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit à nous dans le Coran, s'est fait connaître à ses serviteurs de par la révélation du Coran. Et dans de très nombreux versets du Coran, tu trouves la mention de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Énormément de versets finissent par la mention de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui apprend à connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même nous l'ordonne dans le Coran, et sachez que, wa'alamu, dans beaucoup de versets, on nous dit « sachez que » puis on nous donne des noms et des attributs d'Allah. Donc ainsi, le serviteur apprend qu'Allah a la perfection absolue. Et ce chapitre, la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une grande porte de science qui amène l'augmentation de la foi. Et en étudiant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiendras, cher frère, cher auditeur, de nombreux mérites et de nombreux fruits. Sache que la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, c'est la science la plus noble. La meilleure, la plus importante, de manière absolue. Donc en étudiant cette science, tu es en train d'occuper ton temps dans la science la plus bénéfique, la plus noble. Deuxièmement, en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, cela t'appellera à augmenter ton amour pour lui, à l'aimer au plus haut point, à le redouter au plus haut point, à espérer en Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu souhaites. Ça te poussera aussi à la sincérité dans les œuvres, à rechercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, tout cela est l'essence même du bonheur. La foi augmentera considérablement. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les serviteurs que pour qu'ils le connaissent et l'adorent seul d'un culte sincère. Ainsi, celui qui dépense son énergie et son temps dans la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs aura mis son temps et son énergie dans ce pourquoi Allah l'a créé. Allah nous dit dans son livre, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. À la fin de Sourate At-Talaq, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'Allah est celui qui a créé sept cieux, ou bien Na'am, sept cieux, et pareillement pour les terres, l'ordre se succède entre les deux, ou a lieu, ou descend entre les deux. Afin que vous sachiez. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé? Afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il a embrassé de sa science toute chose. Et comme il est mauvais que le serviteur baigne dans les bienfaits de son Seigneur, se réveille et se couche dans les grâces de son Seigneur, et malgré ça il l'ignore et se détourne de lui. Quatrièmement, c'est cette science entre dans le premier pilier de la foi, sa base et son point le plus important, la foi en Allah. Donc plus le serviteur apprend à connaître son Seigneur à travers ses noms et ses attributs, plus sa foi augmente. Cinquièmement, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs ont les effets les plus louables dans la servitude du serviteur et son rabaissement devant son Seigneur. À titre d'exemple, il va... Et avec la connaissance que son Seigneur est unique, immense, que tous les bienfaits émanent de lui, qu'il est le seul à pouvoir nous donner le bien, à repousser de nous le mal, à élever, à rabaisser, ben il placera sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, s'il sait qu'Allah est sami'un basirun alimun raqibun, audient, omniscient, clairvoyant, il le surveille, ceci aura comme effet sur le serviteur qu'il préservera sa langue, il retiendra ses membres du péché. S'il sait qu'Allah est raniyun rahimun wasi'ul fadli wal ihsan qawiyun, s'il sait que son serviteur est le riche, le miséricordieux, le grand donateur, le pourvoyeur, alors son espoir en lui se développera énormément. Et revenez au livre Miftah Dar al-Sa'ada d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et al-Fawaid, il développe magnifiquement bien cela. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme le rapporte Abu Huraira dans le Bukhari Muslim, nous dit: Inna lillah 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Certes Allah a 99 noms, 100 moins 1, qui si le serviteur mémorise, entrera au paradis. Quelle est la particularité de ces 99 noms? Si le serviteur les mémorise, il entrera au paradis. Que signifie il les mémorise? Ahsaha. Ça ne signifie pas mémoriser simplement le nom par cœur. Mais plutôt, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala et d'autres parmi les savants, c'est-à-dire les comprendre. C'est-à-dire les apprendre par cœur. mais aussi invoquer Allah avec, c'est-à-dire lui demander ce qu'on veut en mentionnant le nom en relation avec notre demande, comme Ya Rahim Irhamni, ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde, et l'adorer, et l'invoquer dans le sens, l'adorer selon ce qui découle de la connaissance de ce nom. Par exemple, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghafour, le pardonneur, ben tu lui demandes le pardon. Tu évites les péchés. Et si tu glisses, tu lui demandes pardon immédiatement. Tu lui demandes pardon immédiatement. Tu sais qu'Allah, c'est le Qawi, donc tu vas être humble et lorsque tu as besoin de force, tu la rechercheras auprès de lui. Et la défense et la protection, tu la demanderas à lui et ainsi de suite. Celui qui connaît Allah, qui comprend le sens de ses noms et adore Allah Azza wa Jal en fonction de ces noms-là et développe une servitude en fonction de ces noms-là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Dakhala al-Jannah ». Il entrera au paradis. Voici une grande porte de la foi, une grande porte vers l'augmentation de la foi, une porte dont la finalité du chemin est le paradis. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-jannah. Puisse Allah nous joindre au nombre des habitants du paradis. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, en commentant ce hadith dans Tawdih wal Bayan, nous dit: فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومائدة لحصول الإيمان وقوته وثباته. Ainsi, à travers ce hadith, nous savons que la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande source, la plus grande matière qui amène la foi, son renforcement et son enracinement. Ainsi, celui qui connaît Allah Azza wa Jal, de cette connaissance, sera la personne ayant la foi la plus forte, sera la personne la plus pieuse, celle qui mettra en pratique le plus d'adoration et de servitude. Celui qui craindra le plus Allah et espérera en même temps. Celui qui aimera le plus Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'évoquera le plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Sourate Fatir, « Innama yakhsha allaha min ibadihi l'ulama » Ibn Jarir al-Tabari explique ce verset et dit « Innama yakhafu allaha » فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يقول ما وأنه يفعل ما يريد لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه خشية منه أن يعاقبه قال ابن كثير إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال والنعوت بالأسماء الحسنى فكلما كانت المعرفة به أتم ماذا كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, إنما يخشى الله من عباد العلماء, parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent parfaitement. Ibn Jarir al-Tabari nous dit, les seuls à véritablement redouter Allah et craindre sa punition en lui obéissant sont les savants. sont ceux qui connaissent son omnipotence et savent qu'il fait ce qu'il veut. Ou bien il est parfaitement omnipotent sur toute chose. Et il fait ce qu'il veut. Car celui qui a cette connaissance atteindra la certitude que le châtiment d'Allah ou sa punition sur ceux qui lui désobéissent est véritable. Ainsi, il aura peur d'Allah. Il redoutera Allah. Il aura peur de sa punition. Ibn Kathir nous dit, les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants, c'est-à-dire ceux qui le redoutent réellement d'une crainte révérentielle sont les savants, ceux qui le connaissent. Car plus la connaissance du serviteur est forte, plus il connaît l'immense, le savant, celui qui est décrit par les attributs de perfection et les noms sublimes, et ayant les noms sublimes, plus sa connaissance est parfaite, plus sa crainte sera immense et plus développée. Et on a une magnifique parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans ce sujet. Dans son livre Madarij as-Salikin, à la page 134, si je ne me trompe pas, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه. وأفان سا وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرش متكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علوه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصف به خلقه حي لا يموت قيوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد أول ليس قبله شيء آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى وصفاته كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، مرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عبادي بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبتي من جميع الأبواب، ومد بين وبينهم من عهدي أقوى الأسباب، وأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليه حجته البالغة، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسي الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. انت كلامه من مدارج السالكين. Voici une parole magnifique d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous dit, je vais résumer, qu'il faut que le cœur du serviteur témoigne d'un Seigneur élevé au-dessus de son trône. Il parle de par son ordre et son interdit. Il est clairvoyant quant au mouvement de toutes ces créatures, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre ou sur celle-ci. Il voit l'ensemble des personnes et leurs êtres. Il entend l'ensemble des sons. Il surveille ce qui est extérieur comme ce qui est intérieur. L'ordre de l'ensemble des rois est sous sa gérance. C'est lui qui décide de tout. Il est décrit par les attributs de perfection. Il est exempt de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Il est comme il s'est décrit lui-même et au-dessus de ce par quoi le décrivent ses créatures. Il est vivant, ne meurt pas. C'est lui qui subsiste par lui-même et personne sans lui ne peut subsister. Il ne dort pas. Il est savant. Rien ne lui est caché, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi dans les cieux sur la terre. Il voit tout. Il voit l'empreinte de la fourmi noire sur la roche lisse dans la nuit ténébreuse. Il entend l'ensemble des sons. Malgré la diversité des langues et la multitude des demandes, il entend tout. Sa parole est parfaite et juste. Elle est véridique dans les informations et juste dans le jugement. Ses attributs sont au-dessus de pouvoir établir une analogie entre les siens et ceux de ses créatures. Il ne ressemble pas à ses créatures. Rien ne lui ressemble. Il touche l'ensemble de ses serviteurs de par sa justice, sa sagesse, sa pitié, sa bienfaisance et ses grâces. À lui appartient la création et l'ordre. Il possède les grâces et les bienfaits. À lui appartient la royauté et la louange, les éloges. C'est le premier, il n'y avait rien avant lui. Le dernier, il n'y a rien après lui. Il est apparent, rien n'est au-dessus de lui. Il est batin, rien n'est en dessous de lui. Tous ces noms renferment des éloges, des louanges. Elles ont la perfection absolue au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. L'ensemble de ces attributs sont complets et parfaits. Ils sont tous des attributs de magnificence. L'ensemble de ses actions sont sagesse, miséricorde. Et il ne fait que ce qui est bon et juste. L'ensemble de ces créatures ne sont que des signes qui nous guident à lui. Il n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux en vain. et il n'a pas laissé l'humain ainsi sans lui ordonner ni lui interdire. Il a plutôt créé la création pour qu'il l'unifie à travers l'adoration d'un culte sincère et a déversé sur eux ses bienfaits afin qu'ils se rapprochent de lui en lui témoignant reconnaissance. Il s'est fait connaître auprès de ses serviteurs par une multitude de causes et il leur a mis des signes clairs. Il les a invités à l'aimer. Il les a invités à ce qu'ils l'aiment et cela en leur ouvrant de nombreuses portes. Il a accompli sur eux ou il a complété sur eux ses bienfaits et les a déversés sur eux. Il leur a manifesté les arguments face auxquels ils n'ont plus d'excuses, tout comme il leur a donné ses nombreux bienfaits. Il s'est inscrit pour lui-même la miséricorde et leur a garanti cela dans un livre qu'il a écrit dans une parole ou un livre qu'il a où il a été inscrit sa miséricorde prévaut sur sa colère. Sa miséricorde prévaut sur sa colère. Rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala ibn al-qayyim rahmatan wasi'a. Qu'Allah azza wa jal accorde sa miséricorde à ce grand savant Muhammad ibn Abi Bakr al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala. Passons au troisième point de science. Passons à la troisième matière, après avoir mentionné le Coran, après avoir mentionné la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Mentionnons maintenant Ta'ammulu Sirati Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de lire et d'étudier la biographie, la vie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui apprend à le connaître, qui étudie sa vie de sa naissance jusqu'à sa mort, verra ses nobles caractères, sa belle description, son chemin, son acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, verra qu'il est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est celui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et que c'est l'imam des gens pieux. Allah l'a envoyé après une longue interruption d'envoi de prophètes. Par sa cause, Allah a guidé un très grand nombre de serviteurs à l'islam, à la lumière, en les faisant sortir des ténèbres, de l'ignorance, de la mécréance, du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire le fait de croire en lui, de le suivre, de lui obéir, et de le prendre pour exemple, et de le copier dans l'adoration. Et la porte du paradis ne sera ouverte, si ce n'est à lui en premier. Et personne ne verra son adoration acceptée chez Allah et agréée, si ce n'est si elle est en conformité avec sa sunna, avec sa voix, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a élevé sa renommée. Allah a élevé sa renommée. Et la personne n'entre pas en islam si ce n'est après avoir mentionné l'unicité d'Allah, mentionné sa prophétie en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». Allah nous a légiféré lors de l'adhan après avoir mentionné son unicité de mentionner sa prophétie. C'est le meilleur de la création. C'est le bien-aimé d'Allah. Allah l'a aimé au plus haut niveau, au niveau de l'Khulla. C'est Khalil ar-Rahman. C'est Khalil ar-Rahman, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait en sorte que soit humiliée toute personne qui ne le considérera pas, qui n'aura pas foi en lui, qui ne le suivra pas et qui n'obéira pas à son ordre. Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur et à la réussite, si ce n'est son chemin, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim nous dit une parole magnifique, comme beaucoup de ses paroles, rahimahullah. Wa minha huna ta'lamu ittirar al-ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifati ar-rasul wa ma ja'a bihi wa tasdiqihi fima akhbara bihi wa ta'atihi fima amara fa innahu la sabila ila as-sa'adati wal falahi fi ad-dunya wala fi al-akhirah illa ala aydi ar-rusul wa la sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ala at-tafsil illa min jihatihim wa la yunalu ridallahi al-battata إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى الروح والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ابن القيم nous dit, رحمه الله, à partir de là, tu comprends l'importance capitale et le besoin indispensable, au-dessus de tout autre besoin indispensable, qu'est la connaissance du messager sallallahu alayhi wa sallam avec ce avec quoi il nous est venu. Ainsi que ce avec quoi il nous est venu. De croire en toutes les informations qu'il nous a mentionnées. De l'obéir dans tous les ordres qu'il nous a ordonnés. Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, à la réussite, au succès, que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà, si ce n'est en empruntant le chemin des messagers, en acceptant ce qu'ils nous ont donné. Il n'y a pas de chemin qui mène à la connaissance du bon et du mal de manière détaillée, si ce n'est en passant par les prophètes et les messagers. Nul ne pourra atteindre l'agrément d'Allah, si ce n'est en passant par les messagers. C'est-à-dire en suivant leur législation, chacun à son époque, et nous, nous parlons de la législation du dernier prophète et messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet islam particulier. Nul ne peut connaître les bonnes œuvres, les bonnes paroles, les nobles caractères, si ce n'est en passant par la voie des messagers. Ils sont donc la balance qui alourdit, qui prouve que la parole, que l'action, que le comportement est bon. C'est-à-dire, on pèse les paroles, les actions, les croyances sur leur balance, sur leur voie. Sur leur voie, sur leur croyance, sur leur législation. Et de par leur suivi se distinguent les gens de la voie droite des égarés. Ainsi, le besoin le plus grand est dans le fait de connaître les messagers. Ce besoin est plus essentiel que le besoin qu'a le corps face à son âme, ou l'œil face à sa lumière, ou l'âme de sa propre vie, de sa propre vie. Tout besoin primordial que tu peux imaginer, que tu puisses imaginer, dis-toi que le besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus grand. Beaucoup plus grand. Que dire d'un besoin qui, lorsque tu t'en sépares, te met dans la même situation que le poisson qui a été sorti de l'eau. Qui a été sorti de l'eau. Ben si le cœur se sépare de ce avec quoi nous est venu le messager, il se retrouve dans cet état. Pire encore. Pire encore. Mais qui est-ce qui va ressentir ce mal? Qui est-ce qui va ressentir cette douleur? Et certes, le mort ne ressent plus la douleur. Et certes, le mal, le mort, si tu le blesses, ne ressentira plus la douleur. Voici un passage du livre Zad al-Ma'ad. Zadou al-Ma'ad. Et sa parole n'est pas finie. Il nous dit, je vais traduire directement, et si le bonheur du serviteur est rattaché dans ce bas monde et l'au-delà à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc une obligation à toute personne qui souhaite le bien pour elle-même, son salut et son bonheur, que de connaître de sa voix, de sa biographie, une partie minimale par laquelle il sortira du nombre des ignorants à son sujet, par laquelle il entrera du nombre de ses suiveurs, de ses partisans. Et dans ce sujet-là, certains ont beaucoup de connaissances, d'autres ont peu, et d'autres en sont privés. Et certes, la grâce est dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il le veut, il est le détenteur de l'énorme grâce. Donc il faut étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers des versets, des hadiths, tu vas apprendre à le connaître. À travers l'étude de certains livres, comme Al-Fusul d'Ibn Kathir, comme Al-Shama'il de l'imam Al-Tirmidhi, tu vas apprendre à le connaître. Je répète, la première source, c'est le Coran. La seconde, c'est la Sunna. Puis, je vous conseille d'acheter ce livre, Al-Fusul d'Ibn Kathir. Je répète, Al-Fusul d'Ibn Kathir. Il est en arabe, bien évidemment, mais il est aussi traduit en français. Le second livre, c'est Al-Shama'il. Al-Shama'il d'Ibn Kathir. D'Ibn Madad al-Tirmidhi, Abu Isa al-Tirmidhi, rahimahullah. Al-Shama'il. Il est également traduit en français. Et pour ces deux livres, je vous recommande d'écouter l'explication de Cheikh Abdelrazak sur son site. Et pour ceux qui ne sont pas arabophones, notre frère, le prêcheur Sadiq Abu Yahya, hafidhahullahu ta'ala, l'a enseigné, qu'Allah le récompense, l'a enseigné, et vous pouvez trouver ses audios sur le site La Voix Droite. Vous pouvez trouver ses audios sur le site La Voix Droite. Et Allah Azzawajal nous avait facilité une série appelée Sur les pas du messager, sallallahu alayhi wa sallam, où on a étudié, durant de nombreuses assises par la grâce d'Allah Azzawajal, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance à sa mort. Donc, méditez sur sa biographie, méditez sur ses caractéristiques, sur sa description. Méditez sur sa description. On s'apercevra que c'est la meilleure des créatures. On s'apercevra qu'il avait la plus belle description. Sa peau était plus douce que la soie. Sa sueur sentait plus bon que le parfum. Son visage plus beau que la lune. Plus lumineux qu'un sabre. Un compagnon nous dit, un jour j'observais la lune, puis je rebaissais mon regard sur lui, puis je regardais à nouveau la lune. Par Allah, il était plus beau que la lune. L'autre nous dit, je n'ai pas touché une soie plus douce que la paume du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Jawziya rahimahullahu ta'ala disait, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam et de ses compagnons, c'est la base de la science. C'est la science la plus profitable. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Tawbah nous dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Il est plein de sollicitude pour vous. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ainsi l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Il est déterminé à ce que vous soyez guidés, il fait toutes les causes pour. Lorsqu'un mal vous touche, ça lui fait mal, sallallahu alayhi wa sallam. Dans surat al-Qalam, Allah nous dit, wa innaka ala khuliqin azim. Tu es certes d'une moralité éminente, et tu es avec une religion parfaite, et tu as les caractéristiques parfaites. dans Surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. C'est-à-dire que tu as été si doux, ô message d'Allah, envers eux, les compagnons. Et si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et beaucoup d'autres textes qui nous décrivent comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la sunnah, nous avons le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit. Et ces textes sont dans le Bukhari et Muslim. Ma khuyira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa akhadha yasarahuma. Ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'ad an-nas min. وما أنفق رسول الله صلى الله وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله أو حرمة الله فينتقم لله بها. عائشة nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم ne recevait pas le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile des deux. Tant qu'elle ne comprenait pas de péché. Par contre, si elle comprenait un péché, c'était la personne la plus éloignée de cette chose-là. Et il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Par contre, lorsqu'on transgressait les limites d'Allah, alors il se vengeait pour Allah. Anas nous dit, خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لن فعلت كذا وكان أحسن الناس يعني وقال أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجعهم أو أشجع الناس وأجود الناس وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أنس رضي الله عنه نودي j'ai travaillé, j'ai été au service du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم durant 10 années. Par Allah, il ne m'a jamais dit ouf. Et il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai faite, pourquoi as-tu fait cela? N'aurais-tu pas pu faire plutôt telle autre chose? Il nous dit également que c'était la meilleure des personnes. La personne la plus courageuse, la personne la plus généreuse. Dans un autre hadith, il nous dit que c'était la personne qui avait le meilleur des comportements. Il nous rapporte également « Qala khiyarukum ahsanukum khuluqa » Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Jar ibn Abdillah nous dit « Depuis ma conversion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais vu sans me sourire. » Allahu Akbar. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Ainsi, celui qui médite la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tirera énormément profit dans son comportement, dans sa piété. Il verra de lui que c'était le meilleur dans l'adoration, dans le comportement, avec ses proches, ses épouses, ses enfants, ses voisins, ses compagnons, avec les faibles, même avec ses propres ennemis. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il l'aimera encore plus. Sa foi augmentera. Et il sera motivé, il sera et elle sera motivée pour ressembler au prophète alayhi salatu wa sallam dans la piété. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que l'étude de la biographie et le fait de méditer les situations du prophète alayhi salat wa salam et sa description, ses caractéristiques sont une des plus grandes causes de guider. Ainsi, yani car celui qui réunit ces perfections-là, ces comportements-là, l'habitude d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il lui donne le secours et le guide et ne l'égare pas. C'est pour cela que Khadija radiallahu anha, la mère des croyants, Lorsque le Brasselme a reçu la révélation et qu'il est revenu à elle, effrayé, et lui a dit qu'il a eu peur pour lui, elle lui a dit, radiallahu anha, abjir, réjouis-toi, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu lis les liens de parenté, tu es véridique dans tes paroles, tu aides ceux qui sont dans le besoin, tu honores ou accueilles l'invité, et ainsi de suite. Donc celui qui, qu'Allah Azzawajal a guidé à ces caractères-là, na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'humilie pas. Ibn Sa'di a des paroles semblables. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait allusion à cela lorsqu'il nous dit « Am lam ya'arifu rasulam fa'um lahum munkirun » dans suratu Al-Mu'minun. Ou bien ils ne connaissent pas leur messager, c'est pour ça qu'ils n'ont pas foi en lui. Et celui qui connaît le messager d'Allah, ça pousse à avoir foi en lui, embrasser l'islam pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, et ça augmente la foi de ceux qui sont déjà musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran que c'est le plus grand imam qu'il faut suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans sourate Al-Ahzab. En effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier invoque Allah fréquemment. Donc, en connaissant le prophète alayhi salatu wassalam, tu vas l'aimer au plus haut point parmi les créatures et ainsi ta foi sera complète. Tu augmenteras ta foi jusqu'à ce qu'elle soit complète. Lorsque Umar al-Khattab a dit « Wallah et au messager d'Allah, je t'aime plus que tout le monde en dehors de ma personne. » Il lui a dit « Non, ô Omar, jusqu'à ce que tu m'aimes encore plus que ta propre personne. » Il lui a dit « Par Allah, maintenant je t'aime encore plus que moi. » Il lui a dit « Al-an ya Omar, maintenant. » C'est-à-dire « Maintenant, tu as complété ta foi. » Et lorsqu'un homme est venu voir le prophète, il lui a dit « Ya Rasulallah, matassa'a. » Un bédouin est venu voir le prophète, il lui a dit « Au messager d'Allah, à quand l'heure ?» Il lui a dit « Qu'est-ce que tu as préparé » C'est-à-dire que à quand l'heure, c'est une chose importante, mais plus important que cela, ta situation lorsque tu mourras ou lorsque retentira l'heure. Il lui a dit, je n'ai pas préparé de grandes choses en prière, en jeûne et autres. C'est-à-dire que je me contente des obligations, je n'ajoute pas beaucoup d'actes recommandés et méritoires, si ce n'est que j'aime Allah et son message. Il lui a dit, alors tu seras avec ce que tu as aimé. Anas ibn Malik nous dit, Wallah, depuis l'islam, nous ne sommes pas réjouis d'une chose plus grande que cela. Et je prends à témoin que j'aime le messager d'Allah, Abu Bakr et Omar, et j'espère être ressuscité avec eux, même si je n'ai pas les mêmes œuvres qu'eux. Et le prophète nous dit également, trois choses, celui qui les a goûtera au délice de la foi. Il nous cite parmi les trois choses, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre. Que tout autre, et ce hadith dans le Bukhari. Naam. Celui qui a cet amour-là, il préférera l'islam à toute autre chose. Il sera satisfait de l'islam, apaisé par l'islam. Et celui qui aime Allah, il suivra le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le prophète, comme le dit Allah dans le Coran, dans surat Ali Imran, « Qul in kuntum tuhibbun Allah ». قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi alors. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. La quatrième connaissance qui augmente la foi, la quatrième connaissance qui augmente la foi, c'est le fait de méditer sur la splendeur de l'islam, sur la perfection et la beauté et les qualités de cette religion. La personne qui se penche sur l'islam en détail, ses croyances, ses jugements, ses informations, ses signes, ses miracles, verra que la croyance en l'islam est la plus parfaite. Verra que les comportements sont les plus nobles, que les adorations sont les plus dignes, et les plus valorisantes pour le serviteur et les plus nécessaires. Verra que les jugements sont les plus justes. Ainsi Allah Azza wa Jal embellira son cœur de par la foi. Allah nous dit: Walakin Allah habbaba ilaykumul iman وزينه في قلوبكم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. Yani ainsi le serviteur voit l'islam comme la chose la plus belle, comme le joyau le plus précieux. Et il goûte aux délices de la foi. Et il goûte aux délices de la foi, parce que la foi a un goût. La foi a un goût, a un délice, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a mentionné. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما ترك العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها. Ibn al-Qayyim nous dit, si tu observes la sagesse déconcertante de cette religion, sa perfection, sa droiture, c'est la voie de l'hanifiyya, du monothéisme plus pur et de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mots ne suffisent pas à décrire sa perfection. Et celui qui tenterait de la décrire ne saurait atteindre sa beauté et sa perfection. Si la raison, ou si les raisons des gens les plus intelligents seraient réunies ou unies dans la raison de l'homme le plus raisonnable parmi eux, le plus fort, ils ne pourraient atteindre la perfection de l'islam. Il n'y a pas plus complet que cette législation, plus parfait, plus immense. La législation à elle seule est un témoin, et une preuve et un argument. Et si les messagers, si le messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas apporté les preuves de cela, ça aurait été un signe suffisant. Ça aurait été un signe suffisant. Donc, méditez la beauté de cet islam, de ses jugements et autres. Méditez par exemple le tawhid, la croyance en Allah. C'est ce qui convient à l'humain. C'est un serviteur. Il a été créé. Il a des besoins. Donc on lui a légiféré d'adorer que son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les autres religions, ils adorent des créatures. C'est un exemple. Méditez sur la zakat. Méditez sur la zakat. On prend une toute petite partie des richesses des riches et on les redistribue à leurs pauvres. Ça, c'est na'am, ça préserve la bénédiction de l'argent des riches. Ça aide et comble les besoins des pauvres. Ça met à l'abri les riches du vol, de l'envie, de la jalousie. Et ça soigne le cœur des riches, de la maladie, de l'avarice et autres. Na'am. Dans méditons sur l'héritage. Méditons sur l'héritage. On voit qu'Allah Azza wa Jal a donné un quart à un tel, mais un huitième à une telle. On voit qu'Allah Azza wa Jal a donné le double. On voit qu'Allah Azza wa Jal a donné aux femmes, tout comme il a donné aux hommes. Il a donné aux filles, tout comme il a donné aux fils. Mais on voit qu'Allah Azza wa Jal a donné à chaque fils le double de la part de chaque fille. Et si on médite sur cela, on voit qu'Allah Azzawajal a rendu obligatoire à l'homme de dépenser pour l'épouse. Ainsi, la fille, son argent, elle le gardera. Quant au fils, il va payer la dot. Il va dépenser la dot pour épouser son épouse. Il va dépenser pour ses parents. Il va dépenser pour ses parents, c'est lui qui va les entretenir. Il va dépenser pour son épouse, il va dépenser pour ses enfants. Donc au final, on donne plus à l'homme. Mais ça va être redistribué sur la femme et ses enfants. Donc on voit la sagesse. On voit la sagesse ici. Et on pourrait faire cela pour tout jugement religieux. Pour tout jugement religieux. Lors de litiges, le prophète sallam a dit par exemple, « El bayina ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankar. » Celui qui prétend à lui d'apporter la preuve. Donc il y a en islam la présomption d'innocence. On ne peut accuser et prétendre des choses en islam et prendre le sang des gens ou bafouer l'honneur des gens ou prendre l'argent des gens. Non. Allah Azzawajal a préservé les droits de tout à chacun. Et on pourrait faire cela pour chaque jugement religieux. Pour chaque jugement religieux. Passons maintenant, ou ceci est le quatrième point, Naam. Le cinquième, la cinquième science, qira'atu sirati salafil umma, la lecture et l'étude de la biographie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons, la génération d'après, celle qui leur a suivi, et les ont suivis avec excellence. C'est où ils sont les meilleurs des générations. Les gardiens de l'islam, les gens les plus guidés, les héritiers des prophètes, ceux qui ont été témoins de la révélation, les ministres du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui l'ont secouru et ont tout dépensé, se sont sacrifiés pour préserver l'islam et pour le propager. Ce sont les savants de la communauté, les gens au cœur les plus purs, aux âmes les plus saines, aux foi, à la foi la plus forte et la plus haute, à la science la plus ancrée, la plus versée. Allah nous dit dans son livre, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté ici d'entre les gens. Les compagnons sont les meilleurs des compagnons de tous les prophètes. C'est-à-dire que les compagnons du prophète, en plus d'être les meilleurs de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ils sont les meilleurs compagnons, meilleurs que les compagnons de Isa alayhi sallam, que les compagnons de Moussa alayhi sallam, et ainsi de suite. Comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi sallat wa sallam nous dit « Khayru ummati al-qarn alladhi bu'ithtu fihim » L'imam muslim nous rapporte qu'Abu Huraira a dit, le messager d'Allah, le prophète sallam a dit, la meilleure des communautés, ou les meilleurs de ma communauté, sont ceux de l'époque dans laquelle j'ai été envoyé, puis ceux qui viendront après. Et dans la version de l'imam Bukhari muslim, selon Imran ibn Hussein, la meilleure des générations est la mienne, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après. Ainsi, celui qui étudie la biographie des compagnons, en commençant par les 10 meilleurs compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Abdurrahman ibn Aouf, Sa'd, Saïd, Abu Ubaïda, Talha ibn Ubaïdillah, et les autres, Naam, verra qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes et messagers. Ceux qui ont les meilleures qualités, les meilleures caractéristiques, les plus nobles comportements, les plus nobles caractères, ceux qui avaient le plus peur d'Allah, ils avaient peur pour leurs péchés, ils avaient peur d'être des hypocrites, subhanallah. Ils avaient peur de l'ostentation. Ils étaient dévoués à l'adoration d'Allah, azza wa jal. Ils jeûnaient le jour et priaient la nuit. Certains jours, ils les jeûnaient, d'autres, ils les priaient. D'autres, ils mangeaient. Ils priaient une partie de la nuit, ils dormaient. Ils restaient avec leur famille. Ils apprenaient la science, la mettaient en pratique et la propageaient. Ils avaient la foi la plus forte, l'endurance la plus complète. Ils n'accordaient pas d'importance à ce bas monde. Ainsi, le musulman qui aura connaissance de ces gens-là, Wallah, subhanallah, il les aimera. Et il verra que son action, que son adoration, qu'il pensait être fort peut-être, est vraiment faible. Alors il aura motivation et ferveur dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il sera ferme dans la religion d'Allah et endurant. Et sa foi se décuplera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait le prophète alayhi salatu wa salam, من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Ainsi, le serviteur augmentera sa foi. Pour finir sur ce premier chapitre, la première grande cause d'augmentation de la foi, la science, avec ses cinq subdivisions, après avoir mentionné la science religieuse, on peut aussi mentionner les sciences mondaines, comme la médecine, comme la science de Mada, la science du sol, la science de la végétation, la science des matériaux, toute science mondaine qui nous amène à voir de la puissance d'Allah Azza wa Jal, de la science d'Allah, de la parfaite capacité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'am. Cela nous amène à méditer la création d'Allah, à méditer les signes manifestes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout cela nous appelle à quoi? À savoir qu'on a un Seigneur omnipotent, fort, savant, sage, qui sait et qui fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans sa forme la plus parfaite. Et il nous dit dans surat Al-Dhariyat, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? C'est-à-dire, il y a des signes. Il y a des signes qui guident vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous amène au deuxième grand chapitre des causes d'augmentation de la foi, à savoir, notez mes très chers frères, « Al-ta'ammul fi ayatillahi al-kawniyya. Al-ta'ammul fi ayatillahi al-kawniyya. » Le fait de méditer sur les signes universels d'Allah, sur la création d'Allah, tel le soleil et la lune, tel le jour et la nuit, tel les étoiles, les mers, les fleuves, les rivières, la terre, le ciel, sur toi-même, ta propre personne, dans tout cela, il y a des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous emmènent à voir de sa toute-puissance, de sa science, sa volonté. Et donc il est le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite qu'on se prosterne pour lui, qu'on s'incline devant lui, qu'on le mentionne, qu'on l'évoque, qu'on le loue, qu'on lui demande pardon pour nos fautes, qu'on espère en lui, qu'on dépose nos besoins auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève cette deuxième partie des causes de l'augmentation de la foi. Et non pas demain, mais après-demain, mercredi, incha'Allah ta'ala, on finira ce sujet, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de vous laisser sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, et de vous laisser aller faire vos invocations du massa, du soir. Je vous avertis contre un mal qui est propagé ces jours-ci, des faux remèdes du coronavirus, qui nous viennent d'égarer égareurs, qui nous viennent de sorciers, de marabouts, de charlatans, qui envoie des sortes de talismans et de gris-gris, où il y a toutes sortes de polythéismes, de shirk, et des hiéroglyphes, des étoiles et d'autres sigles, comme c'est connu dans le monde de la sorcellerie. Et ils prétendent que celui qui photocopie cela, imprime cela, garde cela sur lui, regarde cela ou lis cela, il sera préservé du coronavirus. Et s'il a le COVID-19, il en sera guéri. Ceci n'est que mensonge, aberration, égarement. Égarement. Seul Allah Azza wa Jal est Al-Shafi. Al-Shafi, c'est un des noms d'Allah. Le guérisseur. La guérison n'est qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Et l'espoir ne doit être déposé qu'auprès d'Allah. Qu'en Allah. Et on doit savoir que c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Et le décret tout entier lui appartient. Ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Donc, ça n'est qu'auprès d'Allah qu'on recherche l'aide, l'assistance, la protection, la préservation. Et ça n'est qu'Allah qui peut nous guérir de toute maladie. Barakallahu fikum wa faqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله